L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons du 11e Forum des Savoir-Faire. C'est organisé par Val-de-Lorraine Entreprendre. Cet événement qui aura lieu le jeudi 2 octobre à l'espace Montrichard de Pont-à-Mousson. Pour en parler, nous accueillons Catherine Djagic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Val-de-Lorraine Entreprendre. En quelques mots, le principe de ces Forums des Savoir-Faire, c'est la 11e édition, mais voilà, c'est quoi le principe? C'est une association de territoire. Donc l'idée principale, c'est de réunir les entreprises du territoire. Donc l'axe majeur de cet événement, c'est une fois dans l'année. Alors là, on a un peu rallongé les délais parce que l'organisation est assez chronophage. Donc, c'est de réunir un maximum d'entreprises du territoire de Val-de-Lorraine Entreprendre sur une journée pour des rencontres professionnelles, pour connaître son voisin. Vulgairement parlant, on appelle ça notre fête des voisins. Avec quand même une centaine d'entreprises présentes, je crois. Exactement. Chaque année, on est peut-être à chaque fois un peu obligé de refuser des entreprises. Oui. Donc, ça tape à la porte quasiment une année sur l'autre. C'est un événement clé et phare du territoire depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'on est assez fiers de cette réussite. Ouais, une grande fête des voisins qui permet aussi donc de se pencher sur des sujets d'actualité et qui concernent aussi toutes les entreprises. Cette fois-ci, vous avez choisi donc une thématique intelligence artificielle et rencontres réelles. J'imagine que voilà, la question de l'intelligence artificielle est dans la bouche de beaucoup d'entrepreneurs et d'employés. Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, alors on n'est pas très original, hein, on va dire, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un peu à toutes les soupes. On a vraiment voulu se distinguer par rapport à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut rencontrer. C'est vraiment l'intelligence artificielle au service de l'industrie. Oui. Donc les entreprises industrielles du territoire du Val-de-Lorraine seront présentes et vont, via leurs activités sur leur stand, proposer différentes animations et différentes activités en lien avec l'intelligence artificielle et comment elles se sont adaptées à l'intelligence artificielle. Avec notamment des témoignages. Oui, donc on a mis en place trois conférences. Donc une première conférence d'ouverture avec Hervé Bazneto qui va balayer de manière très succincte l'intelligence artificielle avec une question clé, est-ce un miracle ou non pour les entreprises ? Suivi d'une autre conférence à midi sur l'industrie et l'intelligence artificielle, donc différents retours avec des applications. Et enfin, à 15h, témoignage d'une entreprise du bassin, donc un adhérent du Val-de-Lorraine Entreprendre, qui va nous expliquer comment il a su rebondir avec l'intelligence artificielle au service de son entreprise pour développer des activités, des nouveaux métiers et surtout s'adapter au marché grimpant. Voilà, quand on représente des entreprises, cette question de l'IA, elle inquiète, elle intéresse? Les deux, et surtout elle intéresse parce que on a du mal à s'imaginer, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est. Ouais. On a eu quelques entreprises qui ont refusé un stand. On ne sait pas ce que c'est, on a peur. On a peur de pas être à la hauteur, d'être un peu en marge de cette évolution technique, et on refusait d'être présent en tant qu'exposant pour ne pas avoir l'air d'être un peu arriéré, quoi, je dirais. Parce que c'est une évolution qui va très très vite. Oui, aujourd'hui ça va une vitesse folle. Ce matin encore, j'étais en réunion dans le cadre de la préparation du forum. On est en train de dire que ChatGPT est dépassé. Alors qu'il prend seulement sa naissance en France. Alors qu'il y aura aussi un atelier pour tester ChatGPT en direct. Oui, alors on ne communique pas trop parce que ce n'est pas le but, mais ouais. On ne peut pas ne pas avoir un atelier de ChatGPT. Aujourd'hui, c'est un outil tertiaire. Je le rappelle, le Forum Val-de-Lorraine Entreprendre, c'est pour mettre en avant les industries. Donc on n'est pas dans le tertiaire, mais on ne peut pas échapper à ChatGPT et tout ce qui va suivre derrière. Voilà, une centaine d'entreprises qui sont présentes, c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait, c'est ouvert grand public, entre guillemets, public oui. Chef d'entreprise, décideur, communauté de communes, tous des gens qui vont faire des interconnexions économiques sont les bienvenus. C'est l'occasion aussi peut-être de rassurer sur ces questions de l'intelligence artificielle, du moins d'informer plus efficacement. Rassurer, oui, mais c'est surtout montrer des outils, montrer des pistes, indiquer aux industriels ce qui se fait, et puis comment on peut aller plus loin et avec quels moyens on peut aller plus loin grâce à l'intelligence artificielle. Le 11e Forum des Savoir-Faire, c'est le jeudi 2 octobre de 11h à 19h à l'espace Montrichard de Pont-à-Mousson. L'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite, tout à fait, via un lien qui est communiqué sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Mais vous. De rien, au plaisir.